l'alchimiste des particules sonores. Je dissous des échantillons sonores sur le vinyle, je dilue des tournures de littérature sur la platine. Je sème des graines de rêve, pulvérisées par mes lèvres. Les moelles et abrutes, je les aiguise, je ponds des chansons qui cultivent, qui peut arrêter ma tête créative ou atténuer mon flot de salive. Déversé, j'en ai déversé, et j'attends pas les résultats du tiercé pour en reverser. Les probabilités que je réussisse s'en insiste, mais je résiste et persiste. On dit que la persévérance fait la différence et aide à déclencher la chance. Je disperse les 60 000 mots du dico sur le tempo. Qui met des frappes, qui met des tacs, qui met des claques en un tic-tac. Mets ton casque, je mets des claques, je me décale, je me mets sur le côté. Plus toxique que l'arsenic, plus corrosif que l'acide. J'ai rajouté de l'ammoniaque et ça devient démoniaque. Ça accélère les rythmes cardiaques, tu vas devenir insomniaque. Ça déboîte, ça dépote, ça passe en boîte, ça fait tes potes. La concurrence me rend hyperactif. Si un jour je fais la diff, c'est du travail chez maladif. Je disperse les 60 000 mots du dico sur le tempo. Qui met des frappes, qui met des tacs, qui met des claques en un tic-tac. Mets ton casque, je mets des claques, je me décale, je me mets sur le côté. Je lève le voile, je me dévoile, je bombarde des ondes de choc, puis téléporte de Sydney à New York. J'envoie des particules sonores à t'en faire perdre le nord. Dans mon studio offshore, j'élabore des métaphores, des bandes sonores. Je mixe la réalité avec la fiction, des allitérations, des assonances en alternance. J'en consomme à outrance, bien au-delà de l'accoutumance. Repousser les limites de la performance, rien d'y penser, ça met en transe. J'accède à un état modifié de conscience. J'ai trouvé mon équilibre, je me sens enfin libre, comme un poisson sorti de son bocal. D'un avenir musical, j'ai la dalle. Je disperse les 60 000 mots du dico sur le tempo. Qui met des frappes, qui met des tacs, qui met des claques comme un tic-tac. Mets ton casque, je mets des claques, je me décale, je me mets sur le côté. Je disperse les 60 000 mots du dico sur le tempo. Qui met des frappes, qui met des tacs, qui met des claques comme un tic-tac. Mets ton casque, je mets des claques, je me décale, je me mets sur le côté.